voici le Val d'Enfer et la grotte des fées, d'où sortent à minuit les plaintes étouffées, les rires et les cris des noirs esprits d'en bas, où t'amène la sorcière, excite les émas. Ce lieu sauvage, si vous voulez, amis, on peut la consulter. Elle cache au lieu surdito certains breuvages dont les âmes malheureux font usage et qu'il serait prudent peut-être d'acheter. Cette fille plus belle et plus sage à vos yeux que Mireille elle-même. Qui de vous la connaît? Qui l'a vue? En quel lieu? Moi, je n'en veux pas d'autre. Et c'est elle que j'aime. Mais la nuit vient, suivons chacun notre chemin. Suivons chacun notre chemin. Car c'est l'heure des mauvais rêves, l'heure où les femmes fanées, les lutins et les trêves, sur la pointe des flots, et le sang des grèves, dansent au clair de lune, dansent donnant la main, dansent au clair de lune, dansent donnant la main. Ici, mon rival au passage. On t'aime, misérable Vincent, sur mon âme et ma vie, tu perdras le bon sang. Ce bonheur que j'envie, tu veux donc ma I'm se rame sombre, où la nuit est au son ombre. C'est l'enfer qui le jette au-devant de mes pas. C'est l'enfer qui le jette au-devant de mes pas. Et lui, il m'a traîné. Gagner l'autre côté de l'eau. Volant, ma soeur, amène ton bateau. Thank you. t'ai bien fait attendre, ma sœur. Une autre fois, tâche de mieux entendre. Et maintenant, au large, se gonfle le mugir et ton bateau s'arrête. Traître, tu répondras de mes jours sur ta tête et sur ton salut éternel. Urias, ta colère est vaine. Mon bateau porte un poids maudit. Songe à Vincent. Quitte la nuit, le dieu vengeur dont la main nous fait pâlir la sombre nuit. Au loin déjà la radente grêle. Venue la brise ne soulève sans flamme et nuit. Et dans les airs l'oiseau s'enfuit. Et moi tout seul avec mes chèvres, la soif aux lèvres. J'ai le hasard d'un pas tranquille et lent dans ce désert brûlant. Le lézard gris voit la lumière, la coucher dans la bruyère. Je vais reprendre mon sommeil. Je vais reprendre mon sommeil. Je ne mourrai pas, je ne veux pas mourir. Le ciel entend qui rayonne. souci qui l'arrête. Pourquoi n'est-elle pas ici? Sur ton visage, qu'as-tu donc? Sous-titrage Société Radio-Canada. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion télévision française vient de vous présenter l'opéra en cinq actes tiré par Michel Carré du poème de Frédéric Mistral, Mireille, musique de Charles Gounod. Voici quelle était la distribution. Mireille, André Esposito. Tavenne, Suzanne d'Arbance. Vincenette, Christian Arbel. Vincent, Alain Vanzo. Urias, Gabriel Baquier. Ramon, Julien Giovanetti. Ambroise, Lucien Lovano, André Loun, Le Berger, Jean Molien. La mise en onde musicale était assurée par Jean-Étienne Marie. Les interprètes, l'orchestre radio-lyrique et les chœurs de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jean-Paul Créder, étaient placés sous la direction de Jules Gressier.